travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin. Mais ceux qui avaient conjuré sa mort l'environnèrent de tous côtés, les épées nues en leurs mains, de sorte que, de quelque part qu'il se tournât, il trouvait toujours quelques-uns qui le frappaient et qui lui présentaient les épées luisantes aux yeux et au visage. Et lui se démenait entre leurs mains, ni plus ni moins que la bête sauvage acculée entre les veneurs. Car il était dit entre eux que chacun lui donnerait un coup et participerait au meurtre. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passé, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Ce matin, nous allons nous saisir, afin d'en éclairer l'actualité, d'un auteur considérable. Considérable par l'ampleur de son œuvre, comme par l'intensité, en vérité sans pareil, de son influence à travers les siècles. Nous allons parler de Plutarque. J'aurais pu, à vrai dire, songer à faire de lui une sorte de parrain permanent de cette émission. En effet, hellène de naissance comme de culture et citoyen romain par choix, il s'est adonné continuement à la quête de ressemblance et d'écho entre la Grèce et Rome, en s'attachant à rapprocher en binôme de hautes figures de l'une et de l'autre. Il s'agit de ses célèbres vies parallèles qu'il a rédigées au tournant du 1er et du 2 siècle après Jésus-Christ et qui, depuis lors, ont marqué profondément toute la civilisation occidentale. Comparer les biographies pour en débusquer les ressemblances, voilà bien un exercice auquel il m'a paru toujours impossible de m'adonner ici, pas seulement par timidité envers ce précédent majestueux, mais parce qu'il m'a semblé difficile à pratiquer tant les destins individuels sont marqués toujours de traits originaux, irréductibles à tout autre. Raison de plus pour aller rechercher chez Plutarque ce qu'il peut nous dire sur la légitimité de ces rapprochements et pour tâcher de comprendre les raisons du puissant rayonnement qu'ils ont eu depuis l'Antiquité, d'âge en âge. François Hartog, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, est un spécialiste de la Grèce antique et il est aussi porteur d'une réflexion sur l'histoire de l'histoire et sur les rythmes du temps tels que les hommes ont pu les éprouver de période en période. Il a dirigé et préfacé, voici une quinzaine d'années, une très belle édition des Vies parallèles, dans la traduction limpide d'Anne-Marie Ozanam. J'accueille avec gourmandise, pour éclairer l'actualité de Plutarque, sa compétence et sa lucidité. L'histoire est tout de même, dans une certaine mesure, le désir d'appartenir à des hommes, à des nations, à des moments des nations qui ont marqué dans un domaine qui n'est pas tout à fait celui du réel et qu'il faut bien appeler un peu celui du légendaire. On sent ça très très fort chez Napoléon. Il a voulu rivaliser avec Plutarque. Ça, il n'y a pas de doute. Bon, dans la Convention, enfin, c'est criant, Saint-Just monte à la tribune pour hurler « Le monde est vide depuis les Romains ». Alors ça, je crois que vous ne pouvez pas beaucoup concevoir l'histoire en supprimant cet élément-là, et il est assez variable, parce que dans les pays à histoire importante, comme la Chine, c'est la même chose. Il y a tout à fait la fascination des hommes par le passé héroïque, passé éclatant. Quand j'ai dit à Mao, est-ce que vous ne vous tenez pas pour le successeur des grands empereurs, on a répondu, mais bien sûr. Et pourtant, c'est un révolutionnaire, ça l'est de soi. Par contre, dans l'Inde, qui n'a pas eu de héros historiques, elle a eu des conquérants ou des unificateurs, mais elle n'a pas eu de héros historiques, ça ne joue pas. Mais nous pensons, si Plutarque a pesé sur la pensée européenne, et à travers l'Europe, sur l'Amérique, tout l'Occident a Plutarque derrière lui. est tout de même une histoire européenne dont on supprimerait plus tard que ça serait un peu difficile, parce que le mythe gréco-romain a rempli l'Europe au XIXe siècle, et puis maintenant, il est encore là par personnage interposé, c'est-à-dire il n'y a plus Caton, mais il y a Jaurès. C'est ça. François Hartog, bonjour. Bonjour. C'est ça que d'une toute petite voix, on a entendu Guy Suarez qui interrogeait Malraux, proférer, je ne doute pas que vous avez reconnu André Malraux qui s'exprimait sur France Culture le 22 décembre 1974. C'est vraiment assez Malraux, un mélange de pertinence, de moments de lucidité et puis parfois de rêve. Chacun sait que son entretien avec Mao Tse-Tung a été raconté dans les anti-mémoires d'une manière, comment dire, assez différente de celle que l'on peut connaître par le compte-rendu de l'ambassadeur de France à Pékin à l'époque. Je trouve très bien que cette émission s'ouvre avec Malraux, parce que, bon, d'une part, il dit en effet des choses tout à fait justes, preuve de sa lucidité, c'est-à-dire cette importance majeure de Plutarque pour la culture européenne. C'est sûr que c'est une des figures constitutives de la culture européenne. Bon. Après, il a cette conception épique de l'histoire, qui est du Malraux, mais qui est aussi la légende des siècles de Hugo, qui peut être, d'une certaine mesure, aussi du Michelet. Il s'inscrit dans toute cette tradition-là. En passant par la Révolution française. En passant par la Révolution française, avec sa citation de Saint-Just, qui est exacte. Le monde est vide depuis les Romains. Et qui marque bien, justement, aussi cette volonté d'aller chercher du côté de Rome, puisqu'ils sont surtout romains, les révolutionnaires, les jacobins, aller chercher du côté de Rome. Mais Saint-Just ajoute peu après, le monde est vide depuis les Romains. Alors il y a une chose amusante dans ce que dit Malraux, quand il dit Napoléon se compare avec Plutarque. Bien sûr, c'est sa lecture de Plutarque, et on sait qu'il avait Plutarque avec lui. Dans ses bibliothèques portatives, il y avait Plutarque. Mais celui avec qui il se compare d'abord, c'est Alexandre. Donc c'est Alexandre à travers Plutarque, via Plutarque, mais c'est Alexandre. Et ce rapport de Napoléon aux grands hommes de Plutarque, il est absolument constitutif aussi de la manière dont Napoléon se voyait dans l'histoire. On ne peut qu'être sensible au fait que Plutarque non seulement inspire les grands hommes à hauteur que vous dites, et en même temps est devenu assez familier jusqu'à notre XXe siècle, où nous allons voir qu'il s'efface assez largement. Je pense par exemple à Molière, dans Les Femmes Savantes, avec le mot fameux de Chrysale à sa sœur, quand il s'indigne qu'elle joue au péronnel trop versé dans le grec, et or un gros Plutarque à mettre mes rabats. Vous devriez brûler tout ce meuble inutile et laisser la science au docteur de la ville. C'est un moment intéressant, puisque quand Molière fait dire à Plutarque est simplement réduit au rôle de repassage. Enfin, on repasse ses rabats en mettant un gros Plutarque. En effet, c'est un gros Plutarque, un gros in quarto et ou in folio. Dans le même temps, vous avez au XVIIe, une convocation de Plutarque pour les princes et pour les rois. On utilise Alexandre. Condé, par exemple, a été comparé à Alexandre. Et bien sûr, Louis XIV. Louis XIV, c'est Auguste. Louis XIV, c'est Auguste. Avec ce moment intéressant de l'absolutisme, que l'on voit bien chez Perrault, au moment de la querelle des anciens et des modernes, ce moment de l'absolutisme qui fait dire que désormais, ça n'est plus Auguste qui est le modèle de Louis XIV, mais c'est Louis XIV qui est le modèle d'Auguste. Beau retournement. Voilà. François Hartog, avant de développer, nous y reviendrons à l'heure, la question de la trace de Plutarque de siècle en siècle, il faut rappeler qui il fut. Comme il s'est un peu éloigné de nos mémoires, on ne situe pas toujours ce destin qui s'organise à une période assez brillante de l'Empire, puisqu'il naît sous Néron et qu'il meurt sous Adrien, c'est-à-dire... Et en plus, il a vécu très vieux, ce qui était rare à l'époque, presque autant que Victor Hugo, 80 ans. Oui, 80 ans à peu près, parce qu'on sait très peu de choses de lui. C'est-à-dire que cet homme qui a énormément écrit, et qui a écrit des vies... Ce ne sont pas des biographies, et il n'a jamais écrit son autobiographie. C'est notre siècle qui a inventé l'ego-histoire. Oui, oui, oui. Quand Pierre Nora suggérait à un certain nombre de nos collègues de raconter leur destin. Dommage, il n'y avait pas de Pierre Nora à l'époque de... Ça, je l'affirme avec détermination, il n'y avait pas de Pierre Nora à l'époque Oui, ça, je pense qu'on peut se mettre d'accord sur ce point. Et les renseignements qu'on a sur lui sont très limités, on a quelques notations ici et là. On ne peut pas du tout retracer avec précision qu'il est sa vie quotidienne. Il est d'une famille de notables. De province, un peu. De province, de la Béotie. Bon, il est un Béotien. et il défend les Béotiens, notamment contre Hérodote, qui a pu dire du mal des Béotiens. Et vous savez que les Béotiens ont quand même une réputation assez médiocre, puisque l'expression est restée. Bon, c'est un Béotien. Ce qui veut dire qu'il est ignorant des choses. C'est un peu un simple d'esprit, un crétin. Enfin, bon, c'est juste le contraire. Et Plutarque affirme son côté béotien, si je puis dire, et défend en particulier sa cité d'origine, qui est Chéronée, petite cité de Béotie. Mais illustre plus d'un titre. C'est une petite cité qui est sur la route de la Grèce du Nord. Ce lieu, il y a eu au moins deux batailles importantes. La première bataille dite de Chéronée, celle qui, en 338 avant Jésus-Christ, a opposé les Grecs coalisés à Philippe de Macédoine, et qui a vu la défaite des Grecs. Et c'est le début de la domination de la Grèce par Philippe de Macédoine. Et par conséquent, pour Plutarque, Chéronée marque, au fond, la fin de cette Grèce des cités, de cette Grèce porteuse de la liberté, porteuse d'une culture brillante, artistique. Et curieusement, Plutarque est un défenseur de la Béotie, qui est un défenseur de Chéronée, où il a toujours voulu résider. Il a choisi, dans son âge mûr et dans sa vieillesse, de revenir. Il ne s'est pas installé à Athènes, il ne s'est pas installé à Rome, il n'a pas été comme d'autres sophistes itinérants, comme Dion de Pruse ou d'autres. Avec des conférences bien payées. Mais je pense qu'il n'avait aucun besoin d'argent. Hein. Donc, il est rentré à Chéronée, et curieusement, Chéronée est devenu quand même, de son fait largement, jusqu'à l'époque moderne, le début du déclin de la Grèce, ou de la fin de la Grèce des cités. Enfin. Puis alors il y a la seconde bataille de Chéronée, qui elle a lieu en 86 avant notre ère, qui oppose Sylla, le Romain, qui marque le coup d'arrêt de cette entreprise de conquête de Mithridate, qui pendant quelque temps a dominé l'Asie, s'est étendue jusqu'en Grèce, et Athènes s'est ralliée à Mithridate. Mithridate, dont les classiques du XVIIe siècle ont fait des héros de théâtre. Bien sûr, bien sûr. Je pense naturellement à Jean Racine. Oui, oui, bien sûr. Enfin, Athènes, qui avait eu la mauvaise idée de se rallier à Mithridate, a été châtiée durement par Sylla peu après. Alors c'est là qu'on retrouve un autre aspect de la personnalité de Plutarque, je l'évoquais il y a un instant, c'est son rôle dans l'acculturation entre les deux civilisations, de la Grèce et de Rome. Vous avez dans le dictionnaire que vous avez organisé à la suite de la publication des Vies parallèles, François Hartog, vous avez une entrée « acculturation ». Et c'est à bon escient, car il joue un rôle essentiel dans ce moment où, comme l'a dit le poète Horace, je vais être un peu pédant, je vais le dire en latin d'abord, « Graecia capta ferum victorem capit et artes intulit agresti lacio ». Autrement dit, la Grèce a fait la conquête de son féroce vainqueur, oui, et a introduit les arts dans le très fruste latium, c'est ça? Oui, c'est toute l'entreprise intellectuelle des Vies parallèles. Plutarque vient au 1er siècle de notre ère, il est né dans les années 40, 45, et il a 20 ans quand Néron meurt, il traverse l'épisode des Flaviens, l'époque de Trajan, et jusqu'à Hadrien. Bon. Donc la conquête de la Grèce, quand Plutarque se met à écrire, est déjà une vieille affaire. Ça a plus de deux siècles. Il y a longtemps que Rome a fait la conquête de son féroce vainqueur. Voilà. Et ce qu'essaye de faire Plutarque, c'est de proposer, au fond, une définition de ce que peut être un empire gréco-romain. Étant entendu que, justement, les Romains de l'élite parlent le grec, connaissent le grec, sont venus pour souvent passer du temps en Grèce, par exemple Cicéron, qui a passé du temps à Athènes. Ils étaient vraiment bilingues, ces gens-là. Tous ces gens-là étaient bilingues. Ce qui n'était pas forcément le cas des Grecs. Plutarque nous dit, c'est une des rares choses comme ça qu'il nous dit, je ne sais plus si c'est dans quelle vie, à quel moment, que lors de son premier voyage à Rome, il ne connaissait pratiquement pas le latin. Et qu'il a eu du mal à l'apprendre et qu'il ne l'a jamais vraiment bien appris. Alors qu'il semble que César a dit à son assassin Brutus, nous y viendrons tout à l'heure, toi aussi mon fils, il les dit non pas en latin, mais caesu technon, toi aussi mon fils, oui. Donc il y a probablement cette dissymétrie, mais il n'empêche que ce que essaye de faire valoir Plutarque, c'est qu'au fond, il y a un partage. Tout ce qui relève du pouvoir, c'est Rome, et tout ce qui relève de la culture, c'est quand même la Grèce. Il a une admiration d'ailleurs par exemple pour Athènes. Je vous cite trois lignes de lui à propos de cette ville. Chacun de ses bâtiments à peine finis était si beau qu'il avait déjà le caractère de l'antique. et si parfait qu'il a gardé jusqu'à notre époque la fraîcheur d'un ouvrage récent. Tant y brille toujours une sorte de fleur de jeunesse qui en a préservé l'aspect des atteintes du temps. Bel hommage, non ? Le monde dans lequel évolue Plutarque, c'est un monde d'abord grec, avec des amis, un entourage, son maître de philosophie à Athènes, qui l'initie au fond au platonisme. Le fameux Ammonios. Ammonios. Mais très vite, il a eu des amis romains, et des amis importants. Les protecteurs. Les protecteurs, comme il fallait avoir, enfin, on ne pouvait pas exister autrement. Ces cercles autour de Plutarque, puisque peu à peu il est devenu une espèce de maître de chef d'école, pas de manière formelle, mais les gens venaient le voir, il a enseigné, et on lui demandait des conseils. Et c'est comme ça qu'il a écrit d'ailleurs. C'est pour répondre à des questions qu'on lui posait, à des demandes qu'on lui faisait. Et au fond, toutes ses œuvres n'étaient pas destinées à la circulation. En fait, Plutarque était sans doute très peu connu de son temps. Dans la littérature latine contemporaine, on ne parle pas, il n'est pas fait mention de lui. Ni Tite Live, ses contemporains, ni d'autres ne le mentionnent. Non. Ni Suétone. Non. C'est pas un auteur reconnu, si on veut. Il écrivait pour ses amis. Alors, bien sûr, ça circulait un peu au-delà du cercle de ses amis. Ça fonctionnait sur copie, toujours, à l'époque. Bien sûr. Il n'a pas été reconnu d'emblée comme un grand auteur. En fait, on a quand même conservé ces textes, ils ont été répertoriés, ils ont été ensuite recopiés. Bon, mais il était au début de sa carrière ce qu'on appelait un sophiste, c'est-à-dire quelqu'un qui s'intéressait au savoir, qui cherchait à connaître le maximum de choses, qui avait une curiosité très grande. Qui mêlait l'histoire à la morale, la morale à l'histoire. Et puis, oui, et alors, il est passé de la rhétorique à la philosophie. Il n'y a pas un jour où il a dit « la rhétorique c'est fini, je suis désormais un philosophe ». Tout cela se communique assez facilement. Ce qui a donné la force, au fond, de son travail intellectuel, c'est cette idée de la comparaison Grèce-Rome. Des vies, des biographies, d'autres gens en avaient écrit avant lui. Donc il n'est pas du tout l'inventeur d'un genre, bien sûr, Varron et d'autres, Cornelius Nepos, etc., ont écrit des vies, mais lui a eu cette idée extraordinaire d'ainsi dire le monde grec, le monde des cités grecques et le monde de la Rome, surtout de la Rome d'avant les guerres civiles, étaient de même nature. Et que par conséquent, on pouvait aussi bien prendre comme modèle un grec qu'un romain. Alors il est temps de faire entendre sa voix, au point où nous en sommes de notre conversation. François Hartog, j'ai choisi parmi tant de possibilités le fameux extrait de la vie d'Alexandre rencontrant le philosophe cynique Diogène. C'est une lecture de René Renaud dans l'Heure de culture française, le 3 juin 1955, il y a plus de 60 ans. Les Grecs, assemblés dans l'isthme, ayant arrêté par un décret qu'ils se joindraient à Alexandre pour faire la guerre aux Perses, reçut la visite d'un grand nombre d'hommes d'État et de philosophes qui vinrent le féliciter de cette élection. Il se flatta que Diogène, qui était alors à Corinthe, lui rendrait aussi sa visite. Mais, voyant que ce philosophe faisait peu de cas de lui et qu'il se tenait tranquillement dans son faubourg, il alla lui-même le voir. Diogène était couché au soleil. Et lorsqu'il vit venir à lui une foule si nombreuse, il se souleva un peu et fixa ses regards sur Alexandre. Ce prince, après l'avoir salué, lui demanda s'il avait besoin de quelque chose. « Oui, lui répondit Diogène, ôte-toi un peu de mon soleil. » Alexandre, frappé de cette réponse et du mépris que Diogène lui témoignait, admira sa grandeur d'âme. Et comme ses officiers, en se retournant, se moquaient de Diogène, « Pour moi, leur dit ce prince, si je n'étais pas Alexandre, je voudrais être Diogène. » L'anecdote, François Hartog, est célébrissime et elle garde sa portée, non ? Oui, il faut bien la comprendre. Quand Alexandre dit « si je n'étais pas Alexandre, je voudrais être Diogène », ça veut dire, selon Plutarque, « mais j'ai autre chose à faire ». C'est-à-dire que, si j'emploie une expression moderne, ma tâche historique, c'est autre chose. Et ma tâche historique, c'est non pas tant de conquérir que de créer des conditions d'homonoïa, c'est-à-dire la fusion. C'est tout le thème de la fusion des civilisations dont Plutarque se fait l'écho. L'empire universel, en somme. Oui, mais vous savez, il y a ce fameux banquet où Alexandre marie des Macédoniens avec des femmes perses. Des officiers, lui, oui. Oui. Alors, c'est présenté par Plutarque, dans son traité sur la fortune d'Alexandre, comme le début de cette politique de fusion des civilisations. Moi, Alexandre, c'est ça que j'ai à faire. C'est mon destin. Bien sûr, si je n'avais pas ça à faire, je pense que le mieux, ce serait d'être comme Diogène. On retrouverait aujourd'hui, dans un mode évidemment mineur, un certain nombre d'hommes politiques ou d'hommes d'État qui ont eu la même coquetterie, ou en tout cas qui auraient eu tendance à dire « j'aurais aimé être écrivain, vous remplirez les vides ». J'aurais aimé être écrivain et j'ai choisi l'action. Ce texte de Plutarque, c'est aussi, il faut le comprendre, si on va au-delà simplement de « si je n'étais pas Alexandre, je serais Diogène », comme une réponse à Rome. Il y a cette volonté de mettre sur le même pied la Grèce et Rome, mais il y a aussi cette volonté de défendre ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on appelle aujourd'hui l'identité grecque. Et Alexandre a fait avant, par sa politique, ce qu'Auguste a fait plus tard. La paix d'Auguste, la paix romaine. Plutarque met ça en perspective en disant, au fond, Auguste n'a fait qu'imiter Alexandre. Il y a une grosse polémique qui dure longtemps sur le thème. Bon, Alexandre, certes, c'est un conquérant, mais bon, il a conquis l'Asie, oui, d'accord. Mais s'il était allé vers l'Ouest, alors là, ça ne serait pas passé aussi facilement que cela, et on l'aurait probablement vaincu. Les Romains ont cette attitude très ambivalente à l'égard d'Alexandre, et probablement parce que les Grecs leur cassent les pieds, si vous me permettez l'expression. Je vous permets. Avec leur Alexandre, qui n'a jamais conquis que l'Orient. On retrouve dans le même temps, au fond, cette triade qui est fréquente chez Plutarque entre l'action, la fortune et la vertu. C'est le commerce que ces trois données entretiennent qui souvent définit la portée morale des vies qu'il décrit. Exactement. La vertu, mais la vertu au sens le plus fort du terme. Arrêté. L'arrêté. Virtus. Au sens de Montesquieu, au sens, au fond, l'excellence. Et la fortune, bon, c'est ce qui s'impose. Et on a cette opposition. Alexandre, au fond, c'est un homme, contrairement à ce qu'on pourrait croire, dit Plutarque, qui n'a jamais été favorisé par la fortune. Ce qu'il l'a fait, il l'a fait par sa vertu. Il a dû lutter, au contraire, toute sa vie contre la fortune. Alors que les Romains, eux, ont été, depuis toujours, favorisés par la fortune. Alors, il ne va pas jusqu'à dire qu'ils n'ont eu aucune vertu. Mais dans le cas de Rome, la fortune l'emporte sur la vertu, alors que dans le cas d'Alexandre, c'est la vertu qui l'emporte sur la fortune. Et on peut décliner, en effet, comme vous le dites, ces deux termes, et évidemment ce qui les réunit, c'est l'action, tout au long de toutes les vies parallèles. Il est possible que Plutarque ait le sentiment qu'il est dans une période relativement calme par rapport au grand moment. Il y a beaucoup de textes où il dit que d'autres moments, oui, d'autres époques ont permis davantage les actions flamboyantes, oui, ce qui n'empêche pas qu'il moralise. Et c'est un point très important. Parmi tous ces traités moraux, j'en cite deux qui me paraissent topiques. Comment distinguer le flatteur et l'ami? Ça, il me semble que ça vaut toujours. C'est toujours très difficile pour un homme qui est en place. Et puis ceci, la politique est-elle l'affaire des vieillards? On peut relire un certain nombre de traités de ce qu'on appelle les moralia, oui, des œuvres morales de Plutarque. Les vieillards, c'est intéressant parce qu'il dit qu'il y a des avantages, des inconvénients, sagesse. Il ne dit pas qu'il faut nécessairement évacuer tous les vieillards. Et d'ailleurs, lui-même se met pas vraiment en scène, mais dans son rôle de prêtre d'Apollon à Delphes. Puisqu'il était un des deux prêtres d'Apollon, et que c'était aussi, c'est comme les sénateurs à vie, ça, on était prêtre à vie. Il dit, mais bon, est-ce qu'il n'y a pas de raison, péremptoire, pour que, même si j'exerce ces fonctions qui ne sont pas uniquement des fonctions honorifiques, si j'exerce ces fonctions depuis déjà pas mal d'années, c'est pas parce que j'ai atteint un âge certain que je dois les abandonner. C'est un traité qu'on lit de plus en plus volontiers à mesure qu'on avance en âge. Oui. Il y a cette idée du portrait de l'homme d'État équilibré. Oui. À cet égard, Périclès est une figure majeure. Voici encore un extrait des vies parallèles de Plutarque, qui est, vous allez le voir, présenté, cela va peut-être vous surprendre, par Marcel Jouandeau, qui dit que c'est un de ses livres de chevet. C'est d'ailleurs le titre de l'émission qui a été diffusée le 4 octobre 1966. Est-ce que les livres dont je vais lire quelques extraits sont mes livres de chevet? Il y a peut-être une exagération parce que j'en ai d'autres. Je substitue à ces livres quelquefois d'autres livres. Mais vraiment, ce sont ceux dont je préfère la lecture parce qu'ils m'élèvent. Plutarque est une nourriture exaltante. Je vais lire une page de Plutarque. L'ami le plus intime de Périclès, celui qui contribua le plus à lui donner cette élévation, cette fierté de sentiment peu appropriée, il est vrai, à un gouvernement populaire. Celui enfin qui lui inspira cette grandeur d'âme, qu'il distinguait, cette dignité, qu'il faisait éclater dans sa conduite, ce fut Anaxagore, le Cladzomène, que ses contemporains appelaient l'intelligence même. Soit par admiration pour ses connaissances sublimes et sa subtilité à pénétrer les secrets de la nature, soit parce qu'il avait le premier établi pour principe de la formation du monde, non le hasard ou la nécessité, mais une intelligence pure et simple qui avait tiré du chaos les substances homogènes. Pénétré de l'estime la plus profonde pour ce grand personnage, instruit à son école dans la connaissance des sciences naturelles et des phénomènes célestes, Périclès puisa dans son commerce non seulement une élévation d'esprit, une éloquence sublime éloignée de l'affectation et de la bassesse du style populaire, mais encore un extérieur grave et sévère que le rire ne tempérait jamais. Une démarche ferme et tranquille, un son de voix toujours égal, une modestie dans son port, dans son geste et dans son habillement, que l'action la plus véhémente lorsqu'il parlait au public ne pouvait jamais altérer. Ses qualités, relevées par beaucoup d'autres, frappaient tout le monde d'admiration. On raconte qu'étant insulté par un homme bas et insolent qui ne cessa durant toute une journée de lui dire des injures, il les supporta patiemment sans lui répondre un seul mot et se tint constamment dans la place à expédier les affaires pressées. Le soir, il se retira tranquillement chez lui, toujours suivi par cet homme qui l'accablait. Quand il fut à la porte de sa maison, comme il faisait déjà nuit, il commanda à un de ses esclaves de prendre un flambeau et de reconduire cet homme chez lui. L'absence de rire, François Hartog, peut inquiéter un peu. Et peut-il y avoir un grand homme d'État sans le sens du cocasse? Je ne suis pas absolument sûr, mais en dehors de cela, c'est une figure de vitrail. Oui, exactement. Et tout ça avec la diction si précieuse de Jouvendeau qui fait paraître le texte de Plutarque un peu cocasse. Mais... Et on voit bien, oui, ce choix d'un Périclès... incarnation du politique rationnel, incarnation de la modération, incarnation de la aussi, puisque Plutarque n'est pas un farouche défenseur de la démocratie, donc un Périclès qui est très très très fortement tiré du côté d'un exercice non pas solitaire du pouvoir, mais d'un exercice d'une prépondérance très affirmée par de sa manière de concevoir le fonctionnement du régime athénien. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que nous avons vu le Plutarque pour mettre les rabats, et là nous avons un Plutarque livre de chevet, présenté par Jouvendeau. Donc on a évidemment un usage complètement différent de Plutarque, avec cette idée que la lecture de Plutarque élève. Et ça, c'est un thème évidemment que Jouvendeau n'invente en aucune manière, mais qui est, que l'on va trouver très présent depuis du XVIe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe. Bon, nous avons évoqué tout à l'heure les révolutionnaires, c'était bien évidemment cette lecture qui vous élève, qui vous porte vers l'action, qui vous porte vers le dévouement, qui éventuellement vous porte même au sacrifice. C'est Rousseau découvrant plus tard quand il était enfant, ou Madame Roland lisant plus tard que quand elle allait, au lieu d'avoir son livre de prière, quand elle allait à l'église... À 12 ans, à 12 ou 13 ans. Oui, elle avait un Plutarque, ce qui est quand même une chose assez stupéfiante. Mais que l'on peut recommander aux jeunes filles d'aujourd'hui. Certainement, ce serait... Il y a un aspect qui mérite aussi l'attention, ce sont les relations de Plutarque avec le sacré, ouais. Avec la religion. Vous disiez qu'il a été prêtre à la fin de sa vie. En même temps, c'est une fonction plutôt administrative, en l'occurrence. C'est d'abord ce qu'il croit, vous pensez, dans les dieux. C'est une question que Jean-Pierre Vernant, le fameux helléniste, a posée dans un article fameux. Il y a un texte de Plutarque dans un de ses traités où il raconte que on annonce un navigateur qui passe au large des côtes grecques, le grand Pan est mort. Georges Clemenceau en a fait le titre d'un recueil d'articles désolé sur le fait que la mythologie grecque avait laissé sa place à un monothéisme qui n'appréciait guère. Après tout, cela nous rappelle que les racines gréco-romaines de notre civilisation peuvent peser autant que les racines judéo-chrétiennes. C'est un débat que je ne fais qu'effleurer en passant. Ce passage, évidemment, est tout à fait fameux. Ce navire qui vogue, il y a évidemment une discussion d'un certain nombre de philosophes qui sont là. Le pilote se trouve interpellé, il entend une voix, il finit par répondre. Et quand la tombée du jour, quand le vent est tombé, que la mer est complètement plate, il y a cette annonce que doit porter le pilote, selon laquelle le grand Pan est mort. Et c'est suivi de cris, de sanglots qu'on entend très largement. Et Plutarque réfléchit à cette anecdote. Justement, il y a eu la lecture chrétienne de cela. C'est celle-là, évidemment, à laquelle s'oppose Clémenceau. Enfin, en tout cas, il s'inscrit dans cette lecture chrétienne, pour la contester, mais il s'inscrit dans cette lecture chrétienne, qui est de dire, justement, ce grand Pan est mort. Pan, alors c'est le dieu Pan, hein, bien sûr. Le grand Pan est mort, ça veut dire, c'est la fin du paganisme. Plutarque ne s'inscrit pas du tout dans cette perspective-là, même si le christianisme commençait à exister du vivant de Plutarque, mais encore de façon très, très modeste. Croit-il dans les dieux ? Oui, il croit dans l'existence d'un principe divin, et il attache une grande importance aux démons, les daimones, les démons, donc qui sont des êtres intermédiaires, qui ne sont pas vraiment des dieux, mais qui ne sont pas des hommes, ou qui ne sont plus des hommes, parce que certains démons ont pu être des humains un temps, et qui jouent le rôle d'intermédiaire. Et il peut y avoir de bons ou de mauvais démons. L'affaire du grand Pan s'inscrit dans cette perspective. On est dans le registre du démon. Ce sont eux, ces êtres intermédiaires, qui se manifestent auprès des hommes, et qui peuvent intervenir soit pour les favoriser, soit pour les punir, soit pour les contrecarrer leur dessein. À propos, François Hartog, à propos de la religion et de la philosophie, qui sont intimement liées, chez Plutarque, ce texte sur le sanctuaire de Delphes. Les consultants étant venus d'un pays étranger, nous dit-il, les prêtres, pour savoir si Apollon était disposé à prophétiser, firent l'épreuve de la chèvre. C'est-à-dire que cet animal, offert en sacrifice par les consultants, avant d'être immolé, était aspergé d'eau. Si la chèvre frissonnait et tremblait sous la verse d'eau froide, on en concluait que tout était normal et que la pitié pouvait descendre dans l'adyton. Si au contraire elle restait immobile et impassible, c'était mauvais signe. Cette fois-là, la chèvre avait reçu les premières aspersions sans bouger et sans s'émouvoir. Ce n'est qu'à force d'être inondée et comme noyée qu'elle finit par se rendre. Or, qu'arriva-t-il à la pitié ? Elle ne descendit dans le local prophétique qu'avec répugnance et aversion. Dès ses premières réponses, il fut manifeste à sa voix rauque qu'elle ne se remettait pas de son trouble et qu'elle ressemblait à un vaisseau désemparé, comme si elle était pleine d'un fluide muet et malin. À la fin, complètement bouleversée, elle s'élança vers la sortie avec un cri étrange, épouvantable, et elle se jeta à terre, mettant en fuite non seulement les consultants, mais encore le prophète Nicandre et ceux des prêtres qui se trouvaient là. Rentrée quelques instants après, ils la relevèrent. Elle avait repris ses sens, mais elle ne survécut que peu de jours. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. C'est une lecture par Françoise Fechter dans l'émission fameuse Analyse Spectra de l'Occident, le 24 mai 1958. Plutarque, le sanctuaire de Delphes, la religion, François Hartog. Oui, ben là on a un autre aspect du sanctuaire de Delphes dont nous n'avons pas parlé jusqu'à présent, qui est la pitié. On venait consulter la pitié pour lui poser un certain nombre de questions qui ne relevaient pas de la compétence de Plutarque. Le prêtre de Delphes ne s'occupe pas directement de la consultation de la pitié. C'est un administrateur, en fait. Oui, et puis il préside les cérémonies. Cet extrait commence par l'évocation du sacrifice, avec ce qui est le rituel ordinaire du sacrifice, qu'on sacrifie un bœuf, une chèvre, un mouton, c'est la même chose. Il faut que l'animal consente au sacrifice. L'asperger d'eau est une manière de lui faire dire « ça me va très bien, allons-y ». Et si jamais il ne manifeste pas son accord, alors le problème se pose. Bon, c'est ce qui arrive là, et s'ensuit toute une série de choses catastrophiques. Dans l'évocation alors du rôle et de la procédure même du fonctionnement de la consultation de la pitié. Étant entendu que tout ça se place sous l'invocation du Dieu, naturellement, et a besoin de cette autorisation que représente le sacrifice. Si le sacrifice ne peut pas se produire ou se produit dans de mauvaises conditions, c'est qu'il y a des accords et qu'on ne faut pas poursuivre plus avant. Alors dans la dernière partie de cette conversation consacrée à l'actualité de Plutarque, je voudrais, François Hartog, que nous en revenions à la question de son influence, en partant peut-être d'un mot de Montaigne, pour qui c'était le grand homme, avec Sénèque probablement, et qui dans ses essais a écrit « c'est mon homme que Plutarque ». C'est mon homme que Plutarque. N'oublions pas que Montaigne lisait Plutarque dans la traduction d'Amyot. C'est-à-dire que Amyot a été non seulement l'introducteur de Plutarque, mais par cette traduction de Plutarque, il a aidé à ce que la langue française comme langue littéraire se forme. C'était un personnage qui était dans l'Église, qui était en même temps un précepteur des enfants du roi. Oui, Amyot, un très grand lettré. Très grand lettré, grand aumônier. Et c'est bien sûr le Plutarque pédagogique que Amyot retient avant tout. Pour Montaigne, c'est plus compliqué. On pourrait presque dire que Montaigne a commencé comme avec l'ambition d'être un nouveau Plutarque. Les essais, ça aurait pu ressembler à du Plutarque. Quelque chose comme on pourrait dire que c'est un humanisme confiant et un peu sceptique. Oui, mais aussi ce mode d'écriture. Peu à peu, Montaigne a découvert que les modèles que présentaient les vies était contradictoire, puisque l'un disait une chose, une autre disait une autre, etc. Et qu'au fond, il ne lui restait plus à lui qu'à prendre ses essais comme le lieu d'expérimentation de son moi, et par conséquent, comme son propre modèle pour lui-même. Et ces divergences peuvent constituer aussi une incitation à la liberté de penser. Et c'est ce qu'il fait, puisqu'il dit, au fond, la vie de César n'est pas un modèle pour moi. Ma vie, en revanche, que je ne prétends nullement imposer aux autres, est le moyen pour moi de réfléchir sur ce que c'est que de vivre bien, puisqu'il s'agit toujours de cela, bien évidemment. Après Montaigne, on va trouver ce qu'on a déjà évoqué, c'est-à-dire le Plutarque du XVIIe en faveur du héros, le XVIIIe va changer la donne. Vous qui vous intéressez tant, de façon si stimulante, François Hartog, à l'histoire de l'histoire, il faut peut-être observer que pour un homme comme Amyot, Plutarque est d'abord destiné à les hommes et les dirigeants à les bien princes. Se comporter. Les princes, on trouve déjà ça d'ailleurs dans Polybe, qui dit que l'histoire est probablement la discipline le mieux à même à former les princes et à les consoler lorsqu'ils sont renversés par par les caprices de la fortune. Amyot écrit « L'histoire est une peinture qui nous met devant les yeux, ni plus ni moins qu'en un tableau, les choses dignes de mémoire qu'anciennement, on fait les puissants peuples, les rois et princes magnanimes, les sages gouverneurs et les vaillants capitaines et les personnes marquées de quelques notables qualités. » Fin de citation. Oui. Amyot s'inscrit complètement dans cette grande thématique de l'histoire maîtresse de vie. Et Plutarque est la figure essentielle de ce grand modèle de l'histoire maîtresse de vie. Et il va le demeurer jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Pour Amyot, il n'est pas douteux que Plutarque, c'est de l'histoire. C'est une forme d'histoire qui s'intéresse plus au côté, disons, privé que l'histoire des batailles, mais c'est pleinement de l'histoire. Pour le XVIIe, c'est la même chose. Et le XVIIIe va nous conduire vers quelqu'un qui... On va passer, me semble-t-il, de la problématique des hommes illustres. Bon, c'est quand même comme ça qu'on a appelé les vies parallèles. Ce n'est pas un titre de Plutarque, entre parenthèses. C'est un titre de Amyot. Oui. Alors avant, il y a les hommes illustres de Pétrarque. Enfin, il y a toute cette tradition-là. Plutarque n'a jamais parlé d'hommes illustres. Il a parlé simplement des vies parallèles des Grecs et des Romains, c'est tout. Il est remarquable qu'il inspire en particulier les grands dramaturges du XVIIe siècle, avant Racine Et avant Corneille, on trouve Garnier, on trouve Jodel, et puis on voit largement Shakespeare, qui puise à pleine main dans Plutarque. Par la traduction de Norse, qui est faite à partir de la traduction d'Amyot. Donc Amyot a eu une influence bien au-delà de la France. Alors il y a un moment évidemment qui est resté inscrit en lettres de feu dans les mémoires, c'est le chapitre où Plutarque raconte la mort de César, assassiné par Brutus et par les siens. Et j'ai choisi de vous faire entendre cet extrait dans la version de Jacques Amyot, lu par Paul-Émile Deybert, sociétaire de la Comédie Française, dans les Lundis de l'Histoire de Pierre Cipriot, sur France Culture, bien sûr, le 19 juin 1967. Ainsi comme César entra, tout le Sénat se leva au-devant de lui par odeur. Et à donc, les uns des conjurés se mirent derrière sa litière, les autres lui allèrent à l'encontre de front, comme voulant intercéder pour Metellus Saint-Bert, qui requérait le rappel de son frère étant en exil. Et le suivirent ainsi, en le priant toujours, jusqu'à ce qu'il se fût assis en son siège. Et comme ils rejetaient leurs prières, et se courroucèrent à eux les uns après les autres, à cause que d'autant plus qu'il les refusait, d'autant plus il le pressait et l'importunait plus violemment, à la fin Metellus, lui prenant la robe à deux mains, la lui enleva dans l'entour du cou, qui était le signe que les conjurés avaient pris entre eux pour mettre la main à l'exécution. Et à donc Casca lui donna par derrière un coup d'épée au long du cou. Mais le coup ne fut pas grand ni mortel, parce que s'étant troublé, comme il est vraisemblable, à l'entrée d'une si hardie et si périlleuse entreprise, il n'eut pas la force ni l'assurance de la séner au vif. César, se retournant aussitôt vers lui, empoigna son épée, qu'il tint bien ferme, et tous deux se prirent ensemble à crier, le blessé en latin, « Ô traître méchant Casca, que fais-tu ?» et celui qui l'avait frappé en grec, « Mon frère, aide-moi !» À ce commencement de l'émeute, les assistants qui ne savaient rien de la conspiration furent si étonnés et si épris d'horreur de voir ce qu'ils voyaient, qu'ils ne surent honte que prendre parti ni de s'enfuir, ni de le secourir, non pas seulement d'ouvrir la bouche pour crier. Mais ceux qui avaient conjuré sa mort l'environnèrent de tous côtés, les épées nues en leurs mains, de sorte que, de quelque part qu'il se tournât, il trouvait toujours quelques-uns qui le frappaient, et qui lui présentaient les épées luisantes aux yeux et au visage, et lui se démenait entre leurs mains, ni plus ni moins que la bête sauvage acculée entre les veneurs. Car il était dit entre eux que chacun lui donnerait un coup et participerait au meurtre. À l'occasion de quoi, Brutus même lui en donna un à l'endroit des parties naturelles. Et il y en a qui disent qu'il se défendit toujours et résista aux autres en traînant son corps çà et là et en criant à pleine voix, jusqu'à ce qu'il aperçût Brutus l'épée traître en la main. Car alors il tira sa robe à l'entour de sa tête, sans plus faire de résistance, et fut poussé, ou par cas d'aventure, ou par exprès conseil des conjurés, jusque contre la base sur laquelle était posée l'image de Pompée, qui en fut tout ensanglantée. Cela renvoie évidemment au Jules César de Shakespeare, mais bien au-delà. C'est un très beau texte. Oui, c'est un très beau texte, et Plutarque a une attitude... Évidemment, il condamne cette violence ainsi exercée. Il est aussi critique à l'égard de César. Il considère que César... a une responsabilité dans son propre assassinat. Oui. Pourquoi? Justement parce qu'il est devenu quelqu'un qui sortait de ce qu'on pouvait attendre d'un homme politique qui savait rester dans les limites convenues, nécessaires, de l'exercice du pouvoir. Périclès, justement, qu'il louait. Il n'a pas été Périclès. Est-ce la fortune? Est-ce son manque de vertu? Est-ce... Bon, après, on peut imaginer. Et vous voyez qu'il y a, simplement l'extrait nous est donné, presque une vengeance divine, puisqu'il va expirer... Au pied de Pompée. Au pied de la statue de Pompée, dont il a provoqué la mort. Alors, évidemment, il y a le moment fameux avec Brutus, où il lui dit, toi aussi, en grec, comme vous l'évoquiez, mon fils. Et Brutus est cette figure que ne condamne pas Plutarque. Plutarque, là aussi, ne dit pas qu'il a bien fait. Mais Brutus représente quand même l'homme vertueux. Mais il en raconte la mort dramatique dans une autre vie, dans la sienne, vie de Brutus, qui finit par être la victime de alors qu'il avait rêvé changer Rome, comme beaucoup d'assassins d'hommes d'État. Il en avait rêvé, mais il est victime de la suite des conséquences de son propre crime. Et Brutus est resté comme figure invoquée, notamment au moment de la Révolution, avec d'ailleurs une confusion entre le Brutus l'Ancien, celui qui avait mis fin au règne des Tarquins, des rois de Rome, et ce Brutus-là, même si en réalité ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre du point de vue des liens de famille, mais il y a une confusion entre les deux Brutus. On fait de ces deux figures, on en fait une seule, celui qui lutte contre la tyrannie. Il y en a un qui annonce la République et l'autre qui annonce l'Empire. Voilà, oui, mais il ne pensait pas faire ça. Le buste de Brutus était présent dans la salle où se réunissait l'Assemblée révolutionnaire. Ce qui nous aide à nous rappeler que pour, vous le disiez tout à l'heure, que pour les acteurs de la Révolution, il y a des inspirateurs, en particulier Rousseau. On est très sensible à l'importance qu'a Plutarque pour Rousseau. Il le lit abondamment, il dit qu'il est sa lecture favorite, c'est dans ses confessions. Le plaisir que je prenais à le relire sans cesse me guérit un peu des romans. De ces intéressantes lectures, des entretiens qu'elles occasionnaient entre mon père et moi, se forma cet esprit libre et républicain. Peut-être Plutarque n'aurait pas pensé qu'il conduirait à la promotion de la République, mais l'histoire avance droit par des lignes courbes. Sans cesse préoccupé, disait Rousseau, de Rome et d'Athènes, vivant pour ainsi dire avec leurs grands hommes, né moi-même citoyen d'une république et fils d'un père dont l'amour de la patrie était la plus forte passion, je m'en enflammais à son exemple. Je me croyais grec ou romain, je devenais le personnage dont je lisais la vie. Il semble que ce fut le cas de beaucoup, beaucoup de jeunes gens et même de jeunes femmes comme Madame Roland au long des âges. Jusqu'à quand ? Jusqu'au début du 19e. La Révolution a fait que ce type de rapport à Plutarque n'était plus possible. Puisqu'on a avec Rousseau une espèce de description à l'état pur de l'imitation que suscitait Plutarque. La simple lecture du Plutarque vous donnait envie de venir. Et il raconte cette anecdote quand il était enfant avec Mucius Scaevola. Quand il évoque la vie de Mucius Scaevola, ce Romain qui avait accepté de mettre la main au-dessus d'un brasero pour prouver sa bonne foi, Rousseau dit « J'étais tellement pris, j'étais tellement devenu moi-même Mucius Scaevola que j'approchais ma main d'un brasero et que mes parents ont été tout à fait inquiets. Bon, » Plus tard, très dangereux de ne pas laisser à proximité des enfants. Bon, ce type de rapport-là devient totalement impossible. Probablement aussi après toutes les guerres napoléoniennes, la défaite, tout ce qui était gloire militaire devient beaucoup plus problématique au cours du 19e. En même temps, Nietzsche écrit encore « Rassasiez vos âmes de Plutarque et en croyant à ces héros, osez croire en vous-même. » Voilà, osez croire en vous-même. C'est ce que disait Saint-Just. Et c'est imiter pour devenir inimitable. Michelet prend Plutarque comme sujet de sa thèse de doctorat, on l'oublie souvent. Oui. Qui est une toute petite thèse, il faut dire. Heureux homme, à l'époque. Mais lui, il prend Plutarque et il se méfie des grands hommes, dans le même temps. C'est aussi parce que le 19e siècle est le moment où viennent s'opposer les figures du héros et les figures des grands hommes. Le héros est toujours casqué, avec le glaive à la main. Le grand homme porte plutôt des vertus civiques. Mais par là, il peut rejoindre aussi certains héritages de Plutarque, qui était un très bon mari, un bon père, qui a fait la louange du mariage fidèle et long. Mais je crois que le héros, l'homme illustre, il s'inscrit dans ce temps de l'historia magistra, c'est-à-dire que c'est le passé qui est le modèle, et que le grand homme va s'inscrire dans un autre temps, le temps moderne, et que le grand homme, il est celui, ou bien celui qui est en avance sur son temps, ou bien celui qui saisit mieux, ce qui revient à peu près au même, que ses contemporains, ce qu'il y a d'important dans le temps présent. Il est une figure du mouvement, il est une figure de la marche en avant, il est une figure de progrès. Et les grands hommes du 19e et encore du 20e siècle, ça va être Pasteur, par exemple. Voilà, c'est Marie Curie. On change de rapport au temps et ça change le rapport à Plutarque, bien évidemment. Quand on a fait d'ailleurs des sondages sur l'idée que nos contemporains se font des grands hommes, on retrouve l'émergence soit de grands artistes, Léonard de Vinci, soit Pasteur, vous le disiez, soit Marie Curie, et quand même quelques grands hommes d'État qui ont lu Plutarque, je pense. Je ne sais pas pour Churchill, mais De Gaulle a lu Plutarque. Et je me réfère à Jean Cirinelli, qui a fait la meilleure biographie récente de Plutarque, et qui, évoquant le portrait de Périclès, le définit ainsi, et le général n'est pas loin, de cette démocratie molle et parfois relâchée, comme une musique tendre et languissante, il fit un régime aristocratique et royal, dont il usa pour pratiquer une politique droite et inflexible qui ne visait qu'au bien. C'est assez gaullien et presque un peu gaulate, mais oui. Pourrait-il faire ce rapprochement, François Hartog? Je ne suis pas sûr que ça corresponde exactement à ce que faisait Périclès. On voit très bien ce type d'usage de Plutarque. On a passé des siècles à faire ces usages-là de Plutarque. Donc je ne vois pas qu'il soit condamnable. Je voudrais vous donner encore, on ne s'en lasse pas, vous avez eu l'air de l'apprécier, une lecture par Marcel Jouhandeau, avec sa préciosité, et qui nous ramène vers ce qu'est devenu progressivement... souvent la mémoire de Plutarque à mesure que passaient les décennies, je veux dire un recueil d'exemplats, comme on disait chez les Romains, des épisodes qui peuvent avoir leur portée morale dans l'ordre de l'essentiel ou parfois dans l'ordre du moins important, sinon du dérisoire. Écoutez Marcel Jouhandeau, il va nous parler de chats et de chiens. Préparez-vous, il faut savoir que Marcel Jouhandeau aimait beaucoup les chats, comme on sait. César, voyant un jour à Rome de riches étrangers qui portaient entre leurs bras de petits chiens et de petits singes auxquels ils prodiguaient des caresses, leur demanda si chez eux les femmes ne faisaient point d'enfants. Cette question, digne d'un homme d'État, était la censure de ceux qui épuisent pour des animaux l'affection et la tendresse que la nature a mise en nous et qu'on ne doit exercer qu'envers les hommes. Je dois dire qu'ici, je ne suis pas du tout de l'avis de Plutarque. Je pense qu'on peut avoir des enfants, les aimer, sans rien enlever aux chiens et aux chats que l'on caresse à l'occasion. Dans les tout derniers temps, quelle a été la figure de Plutarque, les dernières générations? Vous évoquez le propos de Michel Foucault, proposant qu'on fasse la vie des hommes infâmes. Je pense que oui, il y a ce rapport. Bon, de même qu'on a fait des anti-mémoires, on avait écrit des anti-vies, si on veut. C'est ce rapport... De Malraux à Foucault. Les vies des hommes infâmes, ça ne se comprend que par rapport à Plutarque. Et ça veut bien dire qu'on veut faire quelque chose qui est, enfin, au sens étymologique, puisque infâme, c'est ceux qui n'ont pas de fama, qui n'ont pas notoriété. De notoriété, qui n'ont pas de gloire, qui ne doivent pas en avoir. L'entreprise de Foucault n'a pas conduit très loin, puisqu'il y a eu deux livres publiés dans cette catégorie, nous sommes infâmes. Mais il y a eu un très beau livre d'Alain Corbin, voilà, qui imagine... consacrer un ouvrage à un homme inconnu, Pinago, oui, qu'il a choisi par hasard, voilà, avec une épingle dans un registre d'état civil et, voilà, dont on ne savait rien et dont il raconte néanmoins l'histoire. Oui, donc là... C'est l'anti-Plutarque. C'est un anti-Plutarque. Bon, ça va dans le sens de ce qui s'est passé tout au long du XXe siècle, c'est-à-dire que l'histoire s'est intéressée de plus en plus aux masses, aux foules, aux anonymes, et que l'histoire des mentalités a conduit vers ceux sur lesquels, à la limite, on ne savait rien. Bon, et Corbin est allé au plus loin dans cette direction. Très beau livre. On est dans l'idée que, justement, il ne faut plus faire appel à cette notion de grand homme, parce que ça n'est pas ainsi que les choses se passent. Et on est quand même aujourd'hui, me semble-t-il, alors soit à la recherche d'un sauveur, ce qui n'est pas forcément une chose extrêmement glorieuse. Des hommes providentiels. Mais comme s'il y avait quand même une espèce de retour de l'idée qu'un grand homme a quand même une action possible. Alors que nous sommes dans un moment où on a l'air de considérer qu'on ne peut rien faire, qu'il n'y a plus rien à faire. On est dans la paralysie la plus complète et, ce qui peut-être aussi peut se comprendre, on se dit qu'il devrait bien y avoir quand même la possibilité de, que des hommes ou des femmes fassent sortir de cette espèce de stagnation dans laquelle nous sommes, qui est lié aussi, à mon avis, à un changement de notre rapport au temps. Dans cette évolution, la guerre de 14-18 a eu un rôle évidemment très important. Il y a eu un livre tout à fait oublié aujourd'hui de Jean de Pierrefeu qui a connu 100 éditions et qui, après la victoire a expliqué qu'il fallait en finir avec les grands hommes. Ce livre s'appelle « Plutarque a menti ». C'est un des nombreux effets de la guerre de 14. C'est-à-dire Mais le titre est significatif. Oui, « Plutarque a menti ». Pour nous. « Plutarque a menti », c'est-à-dire que tous ces généraux et autres maréchaux, en réalité, nous ont conduits vers des boucheries et rien d'autre, et la gloire militaire n'est qu'une fumisterie. Bon, et une fumisterie qui coûte cher. Mais Paul-Louis Courier, au moment de l'Empire, disait déjà la même chose. Polémiste et helléniste. Polémiste, oui, justement. Polémiste et helléniste. Un peu oublié, c'est un des seuls volumes de la collection de la Pléiade qui n'est pas réédité. Peut-être que ça va le faire rééditer. Ah oui, notre émission est très influente. Paul-Louis Courier disait ça aussi. La gloire militaire, je ne peux plus croire à Plutarque. Bon, après 14, on ne peut plus croire à Plutarque. Après, on n'a même plus évoqué Plutarque, quoi. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie, François Hartog. Vous avez, donc, je le rappelle, il y a quelques années, en 2001, organisé, préfacé cette édition précieuse des Vies parallèles de Plutarque, avec une traduction remarquable de Anne-Marie Ozanam. Vous avez plus récemment publié un livre qui montre votre amour pour la Grèce, qui s'appelle Partir pour la Grèce. Partir pour la Grèce, paru chez Flammarion en 2015. Vous allez publier bientôt, nous l'attendons avec impatience, un ouvrage sur Ernest Renan, qui lui-même, je ne sais pas s'il avait beaucoup lu Plutarque. C'est pas son homme, je ne crois pas. Et puis je voudrais aussi signaler qu'on vient de rééditer en poche, tout récemment, un de vos ouvrages sur l'historiographie qui s'appelle « Croire en l'histoire ». Vous avez travaillé, c'est le titre d'un autre livre, sur les régimes d'historicité. C'est une formulation qui peut paraître un peu savante pour marquer que vous pensez que la conception du temps, de l'histoire, grand H ou petit H, a beaucoup évolué et que nous serions aujourd'hui marqués par le présentisme plus que devant. C'est au fond l'hypothèse avec laquelle je travaille depuis un certain nombre d'années. Regarder ce qui s'est passé et ce qui se passe en s'interrogeant sur les expériences du temps. Il ne s'agit pas de dire que tout s'explique par là, mais en se posant ces questions, on peut peut-être comprendre ou mieux comprendre un certain nombre de phénomènes, soit du passé, soit de notre contemporain. Et il me semble, puisque nous avons parlé de l'histoire maîtresse de vie, c'est-à-dire cette histoire pour laquelle... Magistrat vitae. Oui, pour laquelle le passé est ce vers quoi on se tourne d'abord pour comprendre son présent et pour agir sur son présent. Bon, et pour modeler le futur, si on y croit. Si on y croit. C'est pour ça que Plutarque était absolument central, puisque, ou Thucydide, pour comprendre. On commence par regarder vers le passé. Et puis, avec le moment de la Révolution française, en gros... Ce rapport-là n'est plus opératoire. Pour comprendre, on commence par regarder vers le futur. Et c'est le futur qui éclaire le présent et le passé. Et le futur vers lequel il faut aller aussi vite que possible. Bon, et c'est toute la thématique du temps moderne, du temps processus et du temps porté par le progrès. Eh bien, vous aurez donné le goût de réfléchir avec vous, grâce à vos autres ouvrages, sur cette question essentielle. Et puis, il faut rendre hommage à la biographie que j'ai citée, Chemin faisant, celle de Jean Sirinelli, parue chez Fayard et consacrée à Plutarque. Vous pourrez, vous le savez, mes chers auditeurs, mes chères auditrices, trouver une bibliographie complète sur notre site, plus complète, avec les références et documents sonores que nous avons utilisés. Et bien sûr, en vous portant sur ce site, celui de Concordance des temps, vous pourrez télécharger cette émission et la réécouter. Samedi prochain, nous serons le 24 décembre. C'est un peu conformiste, mais peut-être ne vous décevrai-je pas. Nous parlerons de Noël. Nous parlerons du Noël païen et du Noël chrétien, qui entretiennent parfois un commerce un peu compliqué. Et je recevrai un éminent collègue de Suisse, le professeur François Walter. Et bien voilà, c'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée avec Nathalie Lempereur, Jeanne Guéroux, réalisée par Patrick Molinier, avec Emmanuel Morse-Duncan à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque et Clary Monac pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel. Et maintenant, je vais passer le relais à Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.